pu remarquer ici. Observer ici. Les mots et les exemples ici. Parce que j'aurais pas aimé ici. Si tout se tait, péché de jeunesse, une lettre, une route secours. Ici. Ici. Quelle nouvelle est bien? Je vais bien. En entendant les voix, chacun à son tour, tout le monde pensait à sauver sa peau. Ici, mais elle faisait semblant, il ne supportait pas chez elle ce regard. Pourquoi ce n'est pas moi qu'elle regardait ici la nuit, ici on n'écoute pas, ici les gens prennent les promesses au sérieux. Bon voilà, j'ai fini, on va pas se comprendre, je suis crevée ici, c'est déjà ça quand t'arrives ici. Des larmes montent aux yeux, d'attitude, j'apprends aujourd'hui. Il faut que j'arrête, d'ailleurs ça me fait penser à des films, à des vieux films. Ce que je veux dire, ce n'est pas le meilleur. Non, je dis ça parce que...